l'opinion publique. On y voit les filles qui vont s'en. Mais la machine, s'en voilà. Ça touche les arginaïs. Mais mon tubi, et un chien. Par protocole, les arches nationaux.